sais que t'as quelqu'un, moi c'est réciproque. On ne formera plus qu'un, c'est sans équivoque. Je veux qu'on fasse les choses bien, mettons pas de fausses notes. C'est pour un temps qu'on restera loin. On est fait pour être ensemble, je veux pas qu'on reste pas. Je vais te kidnapper, débloquer tes menottes. Tu n'es pas comme les autres, je veux pas te boycotter.